Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortin du 555 Dequin secteur Mistassini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortin font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortin vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortin au numéro de téléphone 276-86-11. BR Métal et ses quatre divisions. Mobilier public, BR Industrie, Aluco, BR Peinture Industrielle. Désire souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Le groupe BR Métal est un employeur important dans le milieu puisqu'il génère presque 40 emplois et ne cesse de grandir. Le groupe BR Métal est situé au 353 Gustave Dessureau. Au numéro de téléphone 418. On sait que les Saguenayens de Chicoutimi ont échangé Olivier Galipeau au Titan d'Acadie Batters en retour de 5 choix au repêchage et ça pourrait se transformer en joueur. Donc, notre collègue Dominique Bolduc sur les ondes de CKJ au Saguenay a parlé avec Yannick Jean, l'instructeur-chef des Saguenayens. Donc, on écoute cette entrevue gracieuseté de CKJ dans l'émission Dans le vestiaire. Mesure de rejoindre Robert Desjardins du côté du Manitoba. Donc, on va jaser immédiatement avec l'entraîneur-chef et directeur général des Saguenayens de Chicoutimi, Yannick Jean. Salut Yannick. Salut. D'abord, bonne année 2018. Merci beaucoup, vous autres aussi. Merci. On s'attendait à cette transaction-là. On en jasait évidemment beaucoup avant les fêtes. Ça s'est concrétisé au début de la semaine. Olivier Galipeau qui passe aux mains du Titan d'Acadie Batters en retour de 5 choix au repêchage. Est-ce que la décision de l'échanger au Titan était difficile ou il y avait vraiment d'autres bonnes offres sur la table? Non, il n'y avait aucune autre offre qui pouvait arriver proche de cette offre-là. C'était beaucoup plus que ce que n'importe quelle équipe pouvait arriver. Lorsqu'on regarde, bon, c'est quand même 5 choix repêchage. On parle d'un choix de 4e ronde en 2018, 2 choix en 2019, de 2e et 3e tour, également 2 autres en 2020. Il y en a plusieurs qui mentionnent que quelques-uns de ces choix-là pourraient être transformés en joueurs lors du prochain repêchage. Ça ressemble un petit peu à la transaction qui avait été faite avec Roupsoff, en fait. Exactement. Ça, on dit aux gens, venez, faites-nous confiance. On a fait une transaction avec, je pense, 3 ou 4 choix de repêchage dans le cas de Roupsoff. On a terminé avec un joueur de 16 ans qui est un prospect, un choix de première ronde qui est le choix de Charlottetown de cette année, un choix de deuxième ronde en 2020. Donc, tu sais, ça ne veut pas dire que la transaction est nécessairement finale, là. OK. Et ça semble être de plus en plus populaire, ce style de transaction dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de voir plusieurs choix repêchage lorsque la transaction est annoncée, mais que finalement, à la fin de la saison, ces choix-là sont transformés en joueurs qui sont prêts à aider l'équipe immédiatement. Oui, ça arrive depuis quelques années maintenant. Là, je dirais que c'est sûr que quand tu vas chercher des joueurs, ben, tu ne veux pas. Tu veux avoir d'autres assets pour pouvoir te rendre jusqu'au bout. Puis tu veux aussi donner la chance. Quand toi, tu le fais, ben tu veux que les autres équipes te permettent de le faire également quand c'est rendu à ton tour. Puis on voulait aider là, du côté de ça, Batters, leur permettre justement de se rendre là. Puis on réglera les choses au prochain repêchage. Bon, maintenant, il y a un joueur de 20 ans, bon, Galipeau, qui est parti. Il y en a un autre, on en parle dans le quotidien ce matin, qui pourrait faire son arrivée chez les Saguenayens. On parle d'un joueur qui jouait dans une autre ligue. Oui, il y a des chances. Là, on a fait une demande, là, justement, à la Ligue de l'Ontario. On n'a pas eu la réponse encore. On espère là, qu'il y a un joueur de 20 ans là, qui puisse s'amener avec nous là, pour compenser là, le nombre de... Ben, pas le nombre en entier, mais une certaine partie du nombre de minutes là, que Galipeau jouait avec nous. Mais est-ce qu'il y aurait une possibilité d'aller chercher un autre 20 ans dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec? Est-ce que c'est une autre transaction qui pourrait se préparer de ce côté-là? Tu sais, le marché, on l'a vu, ce qu'on a obtenu pour Galipeau, ce que les joueurs, le marché il est fou. C'est fou ce que quelques équipes sont prêtes à payer pour s'améliorer. Donc, on voulait pas être à la merci de personne. On voulait pas échanger un joueur de premier ordre en Galipo avec une bonne valeur et être obligé d'un autre côté de se retourner et aller en chercher un autre, mais donner également à un prix qui fait pas de sens. On aimait mieux amener un joueur qui nous coûte rien. Puis on verra en temps et lieu s'il y a d'autres choses qui arrivent sur le marché, mais on voulait pas être à la merci du marché. C'était la chose la plus importante pour nous. OK. Quand même des gros noms qui ont bougé au cours des derniers jours. Je pense à Étienne Monpetit, gardien des Foreurs, qui s'en va à Victoriaville. Il y a également Drake Patterson qui joue actuellement pour Équipe Canada, qui a bougé. Antoine Samuel qui est passé de Bécomo à Québec. Est-ce que les Saguenayens pourraient bouger encore une fois d'ici la date limite? Ouais, il y a toujours possibilité. Je dirais que pour l'instant, c'est pas nécessairement une priorité, mais par contre, on va continuer d'analyser là, la situation au jour le jour. Il y a beaucoup de transactions qu'on fait, il y a moins de joueurs sur le marché, il y a des équipes qui, définitivement, là, qui nous appellent pour certains joueurs. Mais on va voir en temps et lieu. Maintenant, pour le prochain week-end des Saguenayens, trois matchs en quatre jours, c'est quand même là un bon test. Deux matchs sur la route qui vont jeudi contre l'Armada de Blainville-Boisbriand, une équipe qui est dans les sommets. Également Victoriaville qui s'est grandement améliorée. Et on sort de retour devant nos partisans dimanche contre les Remparts de Québec. Mauvaise nouvelle qu'on a appris dans le quotidien, c'est que bon, un de tes bons attaquants qui connaît une bonne saison, Zachary Levigne, souffre d'une mononucléose, donc va rater quand même là, les prochaines semaines. C'est une lourde perte, mais ça va permettre probablement à certains jeunes de tenter de faire leur place. Exactement. On dit qu'il n'arrive jamais rien pour rien. C'est désolant, c'est plate. Zachary qui n'était pas là au début de saison, fracture de la mâchoire, mononucléose maintenant. C'est les 20-22 matchs qu'il a joué avec nous. Je roule plus de 20 minutes par match, 22 minutes et quelques secondes de temps de glace de moyenne, un point par match. Je joue en désavantage, un avantage numérique. C'est sûr, ça fait ça crée un grand vide, ça fait un gros trou pour notre équipe, juste sur la première ligne. Par contre, c'est des choses qui arrivent, puis il faut qu'il y en a d'autres qui prennent la relève. C'est pas un joueur qui va tout avoir son temps de glace. Il faut le diviser, puis il faut que ce soit par comité qu'on arrive. Un peu le même effet que du départ de Galipo. C'est pas un joueur qui va le remplacer. Si on donne peut-être un 20-22 minutes à un autre joueur de 20 ans, puis on divise là, les 10 minutes qui restent à travers nos 4-5 autres défenseurs, ben à ce moment-là, on va seulement leur augmenter leur temps de glace peut-être 2 ou 3 minutes. Ça fait en sorte qu'ils vont peut-être être capables plus de pallier justement à ces pertes-là. Maintenant que Galipo est parti, il y a plusieurs spectateurs qui s'attendent à une fin de saison difficile. Si tu avais un message à envoyer à tous les partisans des Saguenayens pour le reste de la saison, ça serait quoi? Ben, on demande à nos joueurs de se surpasser. Ça fait partie des valeurs de l'organisation. Puis ça changera pas. On a connu des bons moments, là, des bonnes séquences, des séquences où ce qu'on était dans tous les matchs, puis ça va venir jusqu'à maintenant. Puis c'est ce qu'on va continuer d'exiger de nos joueurs, puis c'est ce qu'on va continuer de donner à nos partisans. Et toi, si tu avais un souhait pour l'année 2018? Ben, premièrement, la santé, hein, avec la santé, que ce soit nos joueurs, que ce soit tous les gens alentour de nous. Que ces gens-là gardent la santé. Le reste, on va travailler fort pour y arriver. Merci beaucoup, Yannick Jean. Bonne année et bonne fin de saison.